Le troisième conseil que j'ai tiré de ce affaire et que je voudrais vous faire partager, c'est le conseil de suivre la sunna et de s'y accrocher et de délaisser la bid'a, l'innovation, ainsi que les innovateurs, les gens de l'innovation. En effet, vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Donc vous connaissez très bien ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. Tenez-vous-y fermement et mordez-y à pleines dents, c'est-à-dire accrochez-vous-y avec force. Et méfiez-vous et prenez garde aux innovations, prenez garde aux nouveautés en religion, aux nouveautés dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est une innovation et toute innovation est un égarement. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à suivre sa sunna et à nous y accrocher. Et il nous met en garde contre les innovations. Et nous ne pouvons nous écarter des innovations que si nous nous écartons des gens d'innovation. Car comme il a été dit, as-sahib sahib en arabe. Yani, le compagnon, il te tire vers lui. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il dit: al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'individu est sur la religion de son compagnon, donc que chacun d'entre vous fasse attention qui il prend comme compagnon. Ou plutôt, l'individu est sur la religion de son ami. Donc, que chacun d'entre vous fasse attention qui il prend comme ami. Et il faut savoir que le suivi de la sunna comporte beaucoup de bienfaits pour le musulman. Et je vais juste citer le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. Donc dans ces deux versets de la sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction rapprochée du sens des versets, il ordonne au prophète, il dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est certes le grand pardonneur, le très miséricordieux. Dit: obéissez à Allah et aux messagers, et s'ils se détournent, certes Allah n'aime pas les mécréants. Donc, dans ces deux versets, on tire comme mérite et comme bienfait à l'attachement à la sunna, le fait que ça nous apporte l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui suit la sunna, Allah l'aime. Et de là, on comprend que celui qui ne suit pas la sunna, Allah ne l'aime pas. Et également, le fait de suivre la sunna t'amène le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Car il est le grand pardonneur, le très miséricordieux. Et également, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait: ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il disait: suivez et n'innovez pas, car yani, il vous a été épargné de quoi d'avoir à faire encore des efforts à rechercher ou à inventer d'autres choses. Et toute innovation est un égarement. Donc, yani, tout cela nous montre l'importance du suivi de la sunna et le danger de la bid'a, de l'innovation. Et c'est pour cela que Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, dans ce affar, dans cette parole, il insiste là-dessus, sur l'attachement à la sunna. Et que la sunna n'a rien besoin pour être complétée. Mais que tout ce qui ne fait pas partie de la sunna, c'est qu'il y a dedans une erreur et une déviance, et de la stupidité et de la complexité. L'islam et la sunna sont simples, mais ce sont certains musulmans qui les compliquent. Et c'est pour cela, du fait que certains musulmans, parmi les innovateurs et parmi ceux qui se disent musulmans, alors qu'ils sont dans, qu'ils appellent à des mécréances et au libéralisme, etc., etc., et à tout type d'égarement, n'am, et comme quoi qu'il faut repenser, n'am, et réexpliquer le Coran, n'am, les versets coraniques et les hadiths prophétiques, sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut les réexpliquer et les repenser avec une pensée contemporaine. Naam. Et d'autres, parmi les innovateurs, interprètent les textes selon leur bon vouloir et selon leur passion. Donc, du fait du danger de ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mis en garde contre eux également. Et ainsi de suite, les gens de la sunna, de génération en génération, ne cessent de mettre en garde contre les gens de l'innovation de chaque époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens. C'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs et qui constituent la base du livre, la base du Coran. Et d'autres versets prêtent à diverses interprétations. Quant à ceux qui ont une maladie au cœur, ils suivent les versets qui prêtent à diverses interprétations en recherchant par là la dissension, à semer la dissension, et en recherchant et en cherchant à les expliquer à leur façon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, puis il a dit: si vous voyez ceux qui suivent les versets qui prêtent à diverses interprétations, sachez que ce sont ceux-là qu'Allah a cités dans ce verset, donc prenez garde à eux. Et ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les gens qui suivent les versets qui prêtent à diverses interprétations, les gens qui sont dans l'innovation, les gens qui propagent des innovations et des ambiguïtés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous met en garde contre eux, comme nous l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ces gens-là, ils cherchent à semer la dissension. Ils cherchent à faire du mal dans la communauté. Et ils essayent d'interpréter les versets à leur façon. Et également, conformément à cela, à la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les tabi'in, les tabi' tabi'in et les salafis jusqu'au jour de la résurrection ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mise en garde contre les gens de l'innovation et de ne pas les fréquenter. Et c'est pour cela que vous voyez par exemple Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui a ordonné de délaisser un homme qui s'appelait Sabir ibn Asal. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, à l'époque de son califat, cet homme, Sabir ibn Asal, a commencé à quoi ? À semer des troubles dans la communauté en posant des questions sur les versets qui prêtent à diverses interprétations. Il cherchait à semer le trouble. Alors lorsque ceci a été rapporté à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a demandé à ce qu'on le fasse venir à lui. Puis lorsqu'il a été apporté à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Omar a ordonné qu'on ramène des feuilles de palmier et qu'on le fouette avec. La tige de la feuille du palmier. Et qu'on le frappe avec. Ceci comme sentence et comme sanction. Dans le fait de quoi? De vouloir propager du mal au milieu des musulmans. Et Sabir ibn Asal, sous les coups, a perdu connaissance. Puis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a ordonné qu'on le laisse jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Puis quand il a repris connaissance, Omar ibn al-Khattab a ordonné une nouvelle fois qu'il soit puni et frappé. Puis, une nouvelle fois, Sabir ibn Asal a perdu connaissance. Puis, lorsqu'il a repris connaissance, Omar ibn Khattab a ordonné qu'il soit frappé une troisième fois. Alors, Sabir ibn Asal a dit au chef des croyants, si tu veux me tuer, alors tue-moi d'une belle mort. Et si tu veux faire sortir ce qu'il y a dans ma tête, ça fait longtemps qu'il est sorti maintenant. Yani, il a compris la leçon. Et il s'est repenti de cela. Voyant cela, qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab a fait? Est-ce qu'il a dit, c'est bon, cet homme s'est repenti et il a délaissé le mal qu'il faisait, donc il n'y a pas de problème? Non. Il a ordonné que cet homme, que personne ne lui parle, jusqu'à nouvel ordre. Et les gens s'enfuyaient de lui, malgré qu'il s'était repenti. Pourquoi? Parce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu voulait s'assurer que vraiment cette personne avait compris la leçon et qu'il arrêtait de propager ses ambiguïtés. Donc pour préserver l'ensemble de la communauté, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a ordonné qu'il soit délaissé. Puis après un an après qu'il se soit repenti et que pendant un an, les gens ne lui prêtaient aucune attention. Après cela, l'émir, le gouverneur de la région où Sabir ibn Asal était, a écrit à Omar ibn al-Khattab pour dire que, cet homme, il apparaît que maintenant cet homme a été sincère dans son repentir. Et alors, à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab a répondu, c'est bon, tu peux dire aux gens qu'il recommence à lui parler. Après un an, et malgré qu'il se soit repenti, ceci fait partie de la sunna de Omar ibn al-Khattab, sunna al-Khulafa'i al-Rashidin. Ça fait partie de la sunna des califes bien guidés. Bien sûr, la sanction, le fait d'appliquer des sanctions et des punitions corporelles, ceci revient au gouverneur, au chef d'État. Et en ce qui concerne la mise en garde et le fait de délaisser la personne, ceci peut provenir également des savants. Et également, toujours pour montrer comment les salafs étaient et la position qu'ils avaient par rapport aux gens de l'innovation, nous avons Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit: Quiconque désire honorer sa religion, qu'il s'écarte des assises des gens de l'innovation, car leurs assises sont plus dangereuses que la gale, une maladie. Et également Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il disait: ne t'assois pas avec les gens de l'innovation, car leurs assises rendent les cœurs malades. Donc vous voyez, tous ses compagnons qui mettaient en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation, et également pour montrer le danger de certaines personnes qui disent que on doit rester avec tout le monde, lorsqu'il a été dit à l'imam al-Awza'i, le grand tabi'i connu, l'imam al-Awza'i, rahimahullah, lorsqu'il lui a été dit, un homme dit, moi je m'assois avec les gens de la sunna et je m'assois avec les gens de l'innovation. Qu'a répondu al-Awza'i? Il a dit, cet homme veut mettre au même pied d'égalité la vérité et le faux. Cet homme veut mettre au même niveau la vérité et le faux. Et c'est pour cela que, comme disait l'imam al-Barawi, rahimahullah, l'imam al-Barawi, qui fait partie également, qui fait partie des générations qui ont suivi les salafs, qui étaient au 5e siècle de l'Égypte, en l'an 400 et quelques. L'imam al-Barawi, rahimahullah, il dit: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. Donc l'imam al-Barawi dit dans son livre Sharh al-Sunna, explication de la Sunna, il dit: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'un et ceux qui les ont suivis, et les savants de la sunna, étaient unanimes et tous d'accord sur le fait de prendre comme ennemis les gens de l'innovation et de s'écarter d'eux, de les délaisser. Hada ijma'u salaf. Ça, c'est à l'unanimité des salafs que nous devons détester les gens de l'innovation et nous devons les délaisser pour nous préserver nous-mêmes et pour préserver la communauté. Et si quelqu'un dit, mais n'ont-ils pas le droit à ce qu'on les conseille? Nous leur disons, na'am, oui, ils méritent, ils ont le droit au conseil. Mais ceux qui les conseillent doivent être les gens de science, qui maîtrisent la sunna et qui maîtrisent la réplique aux gens de la bid'a. Ce sont eux qui doivent quoi? Qui doivent les conseiller. Amma qu'on dise à la masse des musulmans, quant au fait de dire qu'à la masse des musulmans que oui, non, mais des fois ça, tu peux fréquenter les gens de l'innovation. Là, tu as mis cette personne de la masse, tu l'as mis en danger. Certains parmi les grands savants qui ont fréquenté des gens de l'innovation, déjà, ceci était très très rare, et ce n'était que dans un contexte bien précis. Et ce n'était pas une règle générale. La règle de base, c'est de s'écarter des gens de l'innovation et de se préserver de leur mal. Et vous verrez que certains, dans ce qui va suivre, vous verrez que certains parmi les savants de la sunna de l'époque ne cherchaient même pas à débattre avec les gens de l'innovation. Alors qu'ils étaient des savants. Alors que dire lorsque des petits étudiants ou lorsque des ignorants et des gens de la masse, on leur dit que quoi, que tu peux fréquenter les gens de l'innovation pour leur faire da'wah, Lui-même déjà, il a besoin qu'on lui fasse da'wa lui-même. Avant d'aller faire da'wa aux autres. Enfin, subhanallah. Comme nous disions, la règle générale, c'est de s'écarter des gens d'innovation pour se préserver soi-même et pour préserver sa religion. Et ce ne sont que les savants qui peuvent de temps à autre aller voir les gens d'innovation pour leur démontrer la vérité. Comme l'a fait Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum lorsqu'il a été conseillé les Khawarij, les Kharijites, qui s'étaient rebellés contre Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum. Radiallahu anhu. Donc est-ce que Abdullah ibn Abbas est resté avec les Khawarij, avec les Kharijites, non, pendant plusieurs jours? Et je ne dis même pas plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pendant plusieurs jours. Non. Il a entendu qu'ils étaient à un endroit bien précis, qui s'appelle Nahawan. Alors il est parti là-bas. Il a demandé l'autorisation à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu d'aller les conseiller et discuter avec eux. Ali lui a autorisé, car il savait qu'Ibn Abbas était une montagne de sens. Ce n'est pas n'importe qui est parti parler au Khawarij. C'est Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait des invocations en disant: oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion. Naam. Donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Donc c'est Abdullah ibn Abbas qui est parti pour débattre avec les Khawarij, avec les Kharijites. Et il est parti, il a discuté avec eux, il leur a dit: qu'est-ce que vous reprochez à Ali ibn Abi Talib? Ils lui ont dit trois points, il a répondu à ces trois points, puis, yani, plus de 3000 parmi eux les ont délaissé cette innovation qu'est le Khuruj ala al-Hukkam, l'insurrection contre le gouverneur. Et les autres sont restés sur leur position. Quelle a été la position des sahabas radiallahu anhum, de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et tous les compagnons qui étaient vivants à cette époque, ainsi que les tabi'in? Leur position, elle a été qu'ils ont été combattre ceux qui sont restés et qui ont persisté dans quoi? Dans cette voie qu'est le kharijisme. Et après on te dit que quand tu parles et que tu mets en garde contre des gens d'innovation, on te dit que tu es dur. Naam. Quand tu viens et que tu mets en garde contre les gens d'innovation, que tu critiques les gens d'innovation, que tu réfutes les gens d'innovation, on te dit que tu es dur. Nous n'avons pas pris les armes contre eux encore. Car ceci revient au gouverneur. C'est lui qui a l'autorité d'utiliser la force contre eux, les hérétiques et les innovateurs. Donc qui est plus dur? Est-ce que, yani, le combat et le fait de tuer les gens de l'innovation est plus dur, ou bien le fait de mettre en garde contre eux? C'est cela même. Il n'y a pas de doute que le fait de les tuer est beaucoup plus dur. Mais pourtant, personne, ni parmi les compagnons, ni parmi les tabi'in, n'ont reproché à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et à tous ceux qui étaient avec lui d'avoir combattu les Khawarij. Car ils n'ont fait qu'obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné de les combattre et qui a dit qu'il y a une énorme récompense pour ceux qui les combattront et qui les extermineront. Également, parmi les paroles qu'il y a, qui prouve l'unanimité des imams de la Sunna sur le fait de délaisser les innovateurs, ce qu'a rapporté Abu Uthman al-Sabuni rahimahullah fi kitabihi شرح اعتقاد السلف أصحاب الحديث, l'explication de la croyance des pieux prédécesseurs, les gens du hadith. Lorsqu'il a cité les imams de la sunna, il dit ils étaient tous d'accord, yani les imams de la sunna étaient tous d'accord sur le fait de rabaisser les gens d'innovation, de les humilier, de les éloigner et de s'écarter d'eux et de leurs assises et de leur fréquentation et de se rapprocher. Ils étaient unanimes sur le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'éloignement des gens d'innovation et leur mise en quarantaine. Donc les imams de la sunna étaient unanimes là-dessus, sur le fait de rejeter les gens d'innovation et de s'écarter d'eux et de ne pas les honorer et de ne pas les glorifier. Et également, parmi les choses que l'on peut rapporter dans cela, et c'est ce qui est en grande relation avec le sujet de ce soir, c'est le fait de ne pas polémiquer avec les gens de l'innovation. L'imam al-Ajurri rahimahullah, qui également fait partie de la génération qui a suivi les salafs, il était au 4e siècle de l'Hégire, en l'an 300, il est mort en l'an 360. Il dit dans son livre Al-Sharia, il dit dans un chapitre sur le blâme de la polémique et des débats dans la religion, les débats non constructifs. Il dit, il rapporte dans ce chapitre plusieurs affaires, plusieurs paroles de salaf, parmi lesquelles il dit Abu Qilaba, qui faisait partie des tabi'in rahimahullah, Abu Qilaba disait: ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et ne polémiquez pas avec eux, car je ne suis pas à l'abri qu'ils ne vous enfoncent dans l'égarement ou qu'ils vous mettent des doutes dans les choses que vous connaissez. C'est-à-dire, lorsque tu vas polémiquer avec les gens d'innovation, soit tu vas tomber dans leur égarement, ou soit au minimum, ils t'auront mis des doutes. Sur quoi ? Sur les choses, sur les fondements de la sunna, sur lesquels tu n'avais aucun doute avant de discuter avec eux. Et lorsque je dis que ceci a un rapport avec le sujet de ce soir, c'est parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, Parmi les choses que nous voyons aujourd'hui sur Internet et surtout dans les forums et dans beaucoup de forums, que ce soit des forums qui s'apparentent ou qui s'affilient à la salafia ou non, dans beaucoup de forums, nous voyons des gens polémiquer. Nous voyons des frères salafis polémiquer avec des gens qui sont pleins d'ambiguïté et qui ne font que suivre leur passion. Et à la fin, le résultat arrive à quoi ? Le résultat, c'est que beaucoup de gens finissent par quoi ? Finissent par gober des ambiguïtés. Et ne savent plus où est la vérité, où est le vrai du faux, où est la vérité de l'égarement. Et donc, c'est pour cela que je conseille à tous les frères salafis d'arrêter de polémiquer avec des personnes dont il est apparu que ce sont des personnes qui cherchent à semer la dissension ou à propager des ambiguïtés ou à suivre leur passion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans les hadiths que nous avons cités précédemment, ordonnez le bien et interdisez le mal jusqu'à ce que tu vois une avarice obéie. Et des passions suivies et le fait de faire prévaloir le bas monde sur l'au-delà et quoi, le fait que chacun soit accroché à son propre avis. Donc lorsque tu vois qu'une personne suit ses passions, que tu vois que cette personne ne cherche pas sincèrement avec objectivité la vérité, arrête de polémiquer avec lui et délaisse-le. Et je vais citer ici plusieurs paroles de salaf là-dessus. Toujours dans Kitab al-Sharia, toujours dans le livre al-Sharia d'Al-Ajurri, il dit que Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, celui dont nous avons cité donc le Afar, le calife, le gouverneur savant salafi, sunni, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, disait: celui qui expose sa religion aux polémiques, il sera versatile. Yani, il changera beaucoup d'avis et de voix. Et également, parmi les choses qui sont rapportées, ou que parmi les choses que l'imam al-Ajuri rapporte dans Sharia, il dit: un jour, Malik ibn Anas est parti de la mosquée, puis il s'est assis en s'appuyant sur ses mains. Malik ibn Anas allait partir de la mosquée, puis au moment où il s'est appuyé sur ses mains pour partir, donc un homme l'a rattrapé et lui a dit: cet homme, c'était un homme qui était quoi? Qui était accusé d'être un murji, qui est une secte qui fait sortir les œuvres de la foi, qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. Donc cet homme, qui était donc un murji, il a dit: oh Abu Abdillah, écoute de moi une parole que je veux te dire et sur laquelle je veux polémiquer avec toi. Et je vais t'informer de mon avis. Alors l'imam Malik lui a dit: Et si tu me bats dans cette polémique? Alors l'homme lui a dit: si je te bats, tu me suis. Alors l'imam Malik lui a dit, très bien, et si un troisième homme vient après, et il nous parle, et il nous bat tous, il nous bat tous les deux. Alors l'homme lui a dit, eh bien nous le suivrons. Alors l'imam Malik, rahimahullah, lui a répondu, et écoutez bien cette parole. L'imam Malik lui a dit, ô serviteur d'Allah, Allah a envoyé Mohammed avec une seule religion. Et je te vois qui te déplace de religion en religion. Et sache que Omar ibn Abdelaziz a dit, quiconque expose sa religion aux polémiques sera versatile, il changera beaucoup de position. Et il l'a délaissé, il n'a pas parlé avec lui. Et également, dans le même registre, l'imam Ahmed, rahimahullah, lorsqu'un homme lui a dit, un homme a écrit à l'imam Ahmed, rahimahullah, en lui demandant l'autorisation d'écrire un livre dans lequel il va répliquer aux gens de l'innovation. Et il voulait faire venir des gens de l'innovation. Pourquoi ? Pour polémiquer avec eux. Alors, l'imam Ahmed lui a écrit, Bismillahirrahmanirrahim, qu'Allah t'accorde une heureuse fin et qu'il éloigne de toi tout mal et tout danger. Ce que nous avons entendu et ce sur quoi nous avons trouvé les gens de science, c'est qu'ils méprisaient le fait de parler et de s'asseoir avec les gens qui ont des maladies au cœur, les gens qui suivent leur passion. Et les choses ne sont que dans quoi ? Dans la soumission et le fait de s'arrêter à ce qui est dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah. Non pas dans le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et de la maladie afin de leur répliquer. Car eux, ils vont te tromper. Eux, ils te trompent et ils ne reviennent pas sur leur position. Donc sache que le salut, la préservation, inshallah, c'est dans le fait de délaisser leurs assises et de délaisser le fait de polémiquer avec eux dans leurs innovations et dans leurs égarements. Que chacun craigne Allah et qu'il aille vers ceux qui lui rapportera du bénéfice demain comme bonne œuvre qu'il avance pour lui-même. Et que chacun ne fasse pas partie de ceux qui innovent de nouvelles choses. Puis lorsqu'il en sort, il va chercher des preuves et donc il va se compliquer. Il va se compliquer la tâche en allant chercher des choses impossibles et chercher des preuves. Pourquoi ? Pour appuyer son avis. Que ce soit du vrai ou du faux. Tout cela afin de quoi ? Afin d'embellir son innovation et ce qu'il a innové, ce qu'il a inventé. Et pire que cela, c'est si jamais il a mis tout cela dans un livre qui lui est attribué. Il veut embellir cela par du vrai et du faux, même si le vrai lui est apparu dans autre chose que cela. Et nous demandons à Allah, pour nous et pour vous, pour nous et pour toi, la réussite. Wassalam. Puis il lui a dit assalamu alaikum. Donc voilà la position des grands imams de l'islam. Également, dans le même registre, nous pouvons citer la parole de Ayyub al-Sirtiyani, lorsque un homme parmi les gens de l'innovation est venu et lui a dit, ô Abu Bakr, c'est-à-dire c'était la kunya de Ayyub Sirtiani, qui faisait partie des salafs, donc, cet homme parmi les gens de l'innovation a dit à Ayyub, ô Abu Bakr, j'aimerais te poser une question sur une parole. Il a dit sur un mot. Alors Ayyub s'est détourné. Et avec son doigt, il lui a fait même pas la moitié d'un mot. Même pas la moitié d'un mot. Et il est parti. Et également dans le même registre, lorsque deux hommes sont venus voir Mohammed ibn Sirin, le grand tabiri connu, deux hommes parmi les gens d'innovation sont venus le voir et lui ont dit, ô Abu Bakr, nous voulons te citer un hadith. Alors, il leur a dit non. Ils lui ont dit, très bien, alors nous voulons te réciter juste un verset parmi les versets du livre d'Allah. Il leur a dit non, soit vous vous levez, ou soit c'est moi qui m'en vais. Donc vous voyez comment les salafs se comportaient avec les gens de l'innovation. Ils ne cherchaient pas à discuter avec eux et à polémiquer avec eux pour se préserver eux-mêmes, tout d'abord, et pour préserver la communauté. Et parmi les belles paroles qu'il y a en ce qui concerne le comportement vis-à-vis des gens de l'innovation, la parole de l'imam al-Shatibi, rahimahullah, dans son livre Al-Irtisam, il dit, فَإِنَّ فِرْقَةَ النَّجَاةِ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ مَأْمُورُونَ بِعَدَاوَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالتَّشْرِيدُ بِهِمْ أَوْ وَالتَّشْرِيدِ بِهِمْ وَالتَّنْكِيلِ بِمَنْ انْحَاشَ إِلَى جِهَتِهِمْ بِالْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة انتهى كلامه رحمه الله سبحان الله. L'imam al-Shatibi, donc dans ce passage, il dit, certes, le groupe sauvé, et ce sont les gens de la Sunna, il leur est ordonné de prendre comme ennemis les gens de l'innovation. Et de mettre en garde contre eux et de punir ceux qui se collent à eux, soit par l'exécution ou par moins que cela. Je répète, il dit l'imam al-Shatibi rahimahullah dans Kitab al-Irtisam, certes, le groupe sauvé, et ce sont les gens de la Sunna, ils sont ordonnés de mépriser les gens de l'innovation, de les prendre comme ennemis, et de mettre en garde contre eux, et de punir ceux qui se collent à eux, soit par l'exécution, ou soit par moins que cela. Et les savants ont mis en garde contre le fait de les fréquenter et de s'asseoir avec eux, comme cité précédemment. Et ceci, la mise en garde contre eux et le fait de les prendre comme ennemis et de mettre en garde contre eux et de les punir. Et Shatibi, il dit, et ceci pourrait amener l'animosité et la haine. Ceci anime, yani ceci amène l'animosité et la haine. Mais la raison de cela, mais la cause de cela revient à quoi? Revient à celui qui a quoi? La cause de cela revient à celui qui est sorti du groupe sauvé à cause de ce qu'il a innové parmi les choses dans lesquelles il suit un chemin autre que celui des premiers croyants. Telle est la cause, non pas le fait simplement de dire que ça anime la haine, ça amène la haine et l'animosité. Comment dire cela alors que nous sommes ordonnés, il nous est ordonné de les détester et il leur est ordonné de nous aimer et de revenir au groupe sauvé. Yani de revenir au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Subhanallah, quelle belle parole que cette parole. Si seulement les gens qui qualifient les salafis d'être durs, si seulement ils réfléchissaient, ils méditaient sur cette parole. Wallahi, les salafis endurent beaucoup de choses de la part de la multitude de personnes qui les critiquent et qui les accusent de toutes sortes d'accusations et qui leur lancent des sobriquets parmi les pires sobriquets. Et tout cela à cause de quoi? À cause du manque de connaissance et de clairvoyance de la part de ces gens-là. Le manque de clairvoyance qu'ils ont dans la religion. Ou alors, c'est qu'ils ne connaissent pas réellement les salafis. Et ceci, en réalité, n'est pas étonnant. Car ceci est l'habitude des gens qui contredisent la vérité. Ceci est l'habitude des gens qui contredisent la vérité. Ils en viennent à ce genre de méthode pour faire fuir les gens, de la vérité. Mais quoi qu'il arrive, Allah secourt sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala secourt sa religion. Il secourt son livre. Il secourt la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens qui le suivent, quelque aversion qu'en ait, les contrevenants, et que les salafis, et que les vrais salafis sachent que les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont subi beaucoup plus que cela. Et malgré cela, ils ont été fermes, ils sont restés fermes. Ils ont enduré, ils sont restés fermes. Jusqu'à ce que vienne le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que leur vienne la mort. Ils ont patienté, ils sont restés fermes, jusqu'à leur vienne le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la mort sur la vérité. Donc nous devons endurer toutes ces épreuves, et nous ne devons pas nous précipiter. Et nous ne devons pas attendre avec impatience les résultats et les fruits de notre da'wa, de notre prêche. Car certes, le secours vient avec l'endurance. Et le salut vient avec l'épreuve. Et certes, avec la difficulté vient la facilité. Je vais résumer ce qui reste afin de ne pas être trop long, déjà que j'étais un petit peu long. Et par rapport à un certain passage, Inch'Allah, nous essaierons dans un futur proche de donner certaines précisions par rapport ou de faire une petite intervention sur un sujet important dont je voulais parler. Mais que je remettrai donc à plus tard. Donc pour résumer la fin des conseils que j'ai tirés de ce athar que je donne aujourd'hui à mes frères salafis francophones, le fait de suivre les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit donc Omar ibn Abdelaziz dans ce affaire, contente-toi de ceux dont le peuple s'est contenté pour lui-même. C'est-à-dire le peuple ici, il parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contente-toi de ceux dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont contentés. Car ils se sont arrêtés avec science et ils ont tenu, ils se sont tus avec une clairvoyance pénétrante, alors qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous pour déceler les choses, et ils méritaient encore plus que nous les honneurs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Donc tout le bien est dans le suivi des pieux prédécesseurs, et tout le mal est dans le suivi de ceux qui leur ont succédé, mais en mal, dans ceux qui sont venus après eux et qui ont contredit leur voie. Car ce sont eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les tout premiers musulmans, les tout premiers croyants, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans plus d'un verset, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges dans plus d'un hadith. Et je ne citerai, pour résumer donc la fin de cette intervention, que le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les tout premiers parmi les muhajirines et les ansars, les muhajirines qui ont émigré de la Mecque à Médine, et les ansars ceux qui les ont accueillis à Médine, les tout premiers parmi les muhajirines et les ansars, et tous ceux qui les suivent convenablement, Allah les agrée et il l'agrée. Allah est satisfait d'eux, et eux ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et il leur a préparé. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc pour celui qui veut obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et les jardins du paradis, à lui de suivre la voie des muhajirines et des ansars, la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin de ce athar, et c'est le dernier des conseils que j'ai tiré et que je veux vous donner aujourd'hui, c'est lorsque Omar ibn Abdelaziz explique que la guidée et le droit chemin se trouvent dans quoi? Dans le juste milieu. Et que le juste milieu, il est dans quoi? Il est dans la voie des salafs. Le juste milieu, c'est la voie des salafs. Non pas que tu regardes autour de toi et puis que yani, tu t'écartes de tout et tu gardes yani, toi tu t'inventes ou tu t'innoves une nouvelle voie. Ce n'est pas ça le juste milieu. Le juste milieu n'est pas de regarder les gens autour de toi puis de te choisir à toi une voie autre que la voie des gens. Pour connaître le juste milieu, tu dois connaître le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix des compagnons. C'est cela qui est le juste milieu. Car Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant dans le juste milieu. Kuntum khay wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Et ce verset, lorsqu'il est descendu, et les croyants à l'époque, et la communauté musulmane à l'époque, ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ainsi que tu vas savoir quel est le juste milieu. Non pas en regardant les gens et en t'inventant à toi une propre voie. Mais tu dois regarder qu'est-ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qu'ils disaient. Puis tu dois essayer de suivre leur voie du mieux que tu peux. Et les gens que tu vois, tu dois, et les paroles que tu entends de ces gens-là, les paroles et les actes des gens, tu dois remettre tout cela sur, tu dois mesurer tout cela avec quoi? Avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous regardons et nous écoutons les paroles et les gens et les actes des gens de notre époque et nous les mettons en comparaison avec quoi? Avec la voix des salafs, la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est en accord avec la voix des salafs, c'est la vérité. Et ceux qui contredisent la voix des salafs, c'est le faux. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit dans ce conseil, c'est que, comme je disais, beaucoup de gens, dans beaucoup de sites et de forums, nous voyons un grand désordre. Et donc, je demande à tous les frères salafis, également, ce qui vaut également pour les sœurs salafis. Je vous demande, non pas que ceci vient de moi, mais ceci est ce qui est en conformité avec la voix des salafs, de délaisser le fait de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, de délaisser les pseudonymes étranges, de délaisser la polémique avec les ignorants, les inconnus et les gens de l'innovation et de la passion, de délaisser le fait d'opposer les paroles des savants les unes aux autres, de délaisser le fait de confondre les savants de la sunna avec les savants de l'innovation et les innovateurs, de délaisser le fait d'élever les étudiants en sciences au rang des savants et des grands savants, et de délaisser le rabaissement des savants salafis connus et reconnus. Et de l'autre côté, je rappelle les 5 grands conseils qui sont tirés du Athar de Omar ibn Abdelaziz, qui sont premièrement la crainte d'Allah, deuxièmement la modération dans l'adoration, troisièmement le suivi de la sunna et l'accrochement à elle, et le délaissement de la bid'a et des gens de la bid'a, quatrièmement le fait de suivre les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cinquièmement le fait de suivre le fait de rester dans le juste milieu, car c'est cela la guidée et c'est cela le droit chemin, et cela ne se retrouve que dans quoi? Que dans la voie des salafs. Et la dernière chose que ce par quoi je termine cette intervention, et vous m'excuserez d'avoir été aussi long, mais j'ai dû résumer tout ce que j'avais écrit le plus possible. Je terminerai juste cette intervention par un autre athar de Omar ibn Abdelaziz rahimahullah, un athar également qui contient beaucoup d'enseignements mais que je n'expliquerai pas. On ne va pas repartir pour 2 heures. Naam. Mais je vais juste le citer et le traduire. L'imam al-Ajurri rapporte dans son livre Al-Sharia, selon une chaîne de transmission revenant Al-Hassan ibn Ali Al-Halwani, qui dit قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. Donc, Al-Hassan ibn Ali al-Halwani disait, j'ai entendu Mutarrif ibn Abdillah dire, j'entendais Malik ibn Anas, lorsque les gens de l'innovation dans la religion étaient cités auprès de lui, Malik ibn Anas disait, Omar ibn Abdelaziz a dit, le messager d'Allah et les dirigeants de la communauté après lui, il parle des califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Donc il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les dirigeants de la communauté après lui ont établi des règles, des sunnas. Le fait de les prendre, le fait de prendre ces sunnas, entre dans le suivi du Coran, du livre d'Allah, et complète l'adoration, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et donne une force dans la religion d'Allah à celui qui les suit. Personne parmi les créatures n'a le droit de les changer, ni même de regarder dans des choses qui les contredisent. Celui qui se guide par elles, par ses sunan que le prophète et les califes bien guidés ont établi après lui, celui qui se guide par elles, c'est lui le bien guidé. Et celui qui cherche la victoire par elle, il sera victorieux. Et quiconque les délaisse aura suivi un chemin autre que celui des croyants. Et Allah le détournera comme il s'est détourné et le brûlera en enfer. Et quelle mauvaise destination! وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين